On sait tous très bien que la plupart d'entre nous sommes les héros tragiques d'une génération perdue. L'explication en devient de plus en plus complexe au fil du temps. On essaye d'organiser les enchaînements en suivant un processus soi-disant logique de bout en bout. Éloignons d'abord l'idée d'une quelconque angoisse existentielle. Ce qui ne signifie absolument rien, mais comble tellement bien le vide. Plus besoin de renoncer à nos rêves. Qui n'a pas connu la solitude avec la ferme conviction de ne jamais avoir besoin d'une quelconque sexualité et même la certitude de finir ermite au fin fond de la Creuse. Ce département se repeuple aux dernières nouvelles, ce qui commence de poser un réel problème. Éloignons d'abord l'idée d'une quelconque angoisse existentielle. Au fil du temps, au fil du temps, j'ai passé souvent pour un mélodie.